29 mars 1987. J'arrive dans ce monde, un bébé vient de naître. Pour qui, pourquoi, ça faut demander à mes parents. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Pourquoi vouloir faire un enfant? Pourquoi? Je leur en veux pas, non. Mais je veux comprendre. Ouais, je veux comprendre. J'ai rien demandé, moi. Pourtant, je dois vivre ici bas. J'ai bientôt 22 ans, mais pas de stabilité. Aucun repère dans ce monde, toujours en quête de vérité. J'ai l'impression de perdre mon temps. Et je suis pas le seul sans boussole, attiré par les gros montants. Le temps, c'est de la fraîche, non. Le temps, c'est ta vie. Mais on passe plus de temps au taf qu'avec notre famille. Profiter est un bien grand mot. Franchement, qu'est-ce que t'as le temps de faire en 24 heures chrono? On profite pas assez des gens qu'on aime, c'est triste. Dans ce rouage, l'argent fait office de roue motrice.